Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire d'Alida, l'ombre derrière la lumière. Je me suis rendu compte que pendant toute une partie de ma vie, je n'avais pensé qu'à réussir dans la vie et que finalement, j'avais oublié de réussir ma vie. Et qu'à un certain moment, ce manque s'est fait sentir, c'est-à-dire la femme n'existait pas à côté de l'artiste. Et un jour, il n'y a plus rien qui a tenu debout, ni gloire, ni succès, ni argent, ni l'amour que j'avais autour de moi. Toute sa vie, Dalida portera en elle une importante part d'ombre et malgré le succès et la lumière des projecteurs qui feront d'elle l'une des plus brillantes étoiles au firmament de la chanson française, celle qui avait tout pour être heureuse, comme on dit, décidera pourtant de mettre fin à ses jours le 3 mai 1987. Elle était petite, elle était différente. Le regard des autres sur elle a été toujours important. Dalida n'est pas n'importe quelle femme. Mademoiselle Dalida! Monsieur Barclay va vous recevoir. Nous souhaitons vous proposer un contrat. J'ai eu qu'une obsession, c'est qu'elle devienne la meilleure. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi. Magnifique. Baisse sa main, baisse sa main. Tu peux descendre aussi vite que t'es montée. Ce que j'ai fait, je peux le défaire. C'est pas toi qui m'as faite, c'est les publics. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. J'ai 34 ans. Ma vie cesse quand. Pas d'amour, pas d'espoir, pas d'enfant. Je n'ai plus de vie et même. Vous donnez de l'espoir à des milliers de gens. Se transforme en quai de rêve. Moi qui m'en donne. Tu t'en vas, je suis malade. Complètement. Extrait de la bande-annonce du film Dalida, réalisé en 2016 par Lisa Azuelos. Pour nous raconter ce destin hors du commun de Dalida, la journaliste Marie-Christine Blais, complice de l'émission. Marie-Christine Blais, bonjour. Bonjour, Jacques. Un film sur la vie de Dalida, 30 ans après sa mort, Marie-Christine Blais. Qu'est-ce que ça nous dit sur ce que représente aujourd'hui Dalida? Elle est toujours vivante. Ça a l'air un peu gros, mais c'est incroyable comme cette chanteuse de variété qui aurait pu disparaître comme... des milliers de chanteurs et de chanteuses de variété qui sont un seul succès, elle est vraiment encore incarnée, si ouais. Je puis dire. Il y a différentes raisons. Ça fait partie de la chanson française, mais de la culture. La culture, d'ailleurs, très, très générale. Combien de films font figurer une chanson de Dalida pour évoquer une période, ouais. Pour évoquer un sentiment, pour évoquer une certaine émotion ou la danse? Parce qu'une des choses qui fait que Dalida est toujours aussi populaire, c'est qu'encore aujourd'hui, elle joue dans certaines discothèques. Ouais. Quand on veut rigoler, quand on veut danser, et vraiment là, c'est pivardé, on met une chanson de Dalida de sa période disco ou de n'importe quelle autre période, finalement, et tout le monde danse et chante et connaît les paroles. Ce sont des jeunes, souvent, très, qui continuent très, de chanter, de danser. Constamment. Ouais. Peut-être à cause de cette espèce d'image aussi, parce qu'elle a une image. On pense à Dalida, on voit tout de suite une femme avec une chevelure dorée au brushing disproportionné, très belle, statuesque, mais avec un léger strabisme. Donc, la petite faille qui fait qu'on peut se projeter dans ce qu'elle est également. Et ce strabisme, ça a l'air anodin comme ça, mais sera l'un de ses drames. Parlons un petit peu de sa jeunesse, parce que c'est vraiment très jeune, ce mal-être de Dalida. Elle est née au Caire, en Égypte. 1933. Elle est, voilà. À la fois, origine mixte, parce que, oui, égyptienne de naissance, mais en même temps tellement italienne. Oui, elle est fille d'émigrés italiens. Donc, elle s'appelle à l'époque Yolanda Cristina Gigliotti, excusez-moi. Et elle vit donc avec son père, qui est violoniste à l'Opéra du Caire. Donc, tout va plutôt bien au début. La Deuxième Guerre mondiale arrive. L'Égypte, à l'époque, donc, relève un peu du Royaume-Uni. Comme les Italiens, eux, sont contre les Alliés, eh bien, tous les émigrés italiens du Caire vont être internés. Le père de la petite Yolanda aussi. Et quand il va revenir 4 ans plus tard, après avoir passé 4 ans dans le désert, les camps d'internement à l'époque, c'était quelque chose. Quand il revient, il est brisé. Il est rempli d'amertume. Il va très mal. Il devient très, très violent. Et enfin, l'histoire, est-ce que c'est une légende urbaine ou pas, dit qu'à un moment donné, la petite fille de l'époque souhaite qu'il disparaisse et quelques jours plus tard, il va mourir effectivement à 41 ans. Et on dit encore aujourd'hui, enfin, ses biographes disent qu'elle est convaincue qu'elle l'a tué. Ouais. Parce qu'à l'époque, elle a quoi, 10 ans, 12 ans, et elle est convaincue que c'est par sa faute que son père meurt. Ce n'est pas le seul traumatisme de son enfance. Très, très jeune, à 10 mois, elle a une infection des yeux assez grave. Et à l'époque, pour régler le cas, on lui bande les yeux et on la met dans le noir. Mm-hmm. Elle a à peu près 10 mois, 18 mois. Et donc, c'est un traumatisme total. Non seulement elle se fait bander les mains pour pas enlever le bandeau, mais elle est dans le noir. Elle va avoir, pour le reste de ses jours, peur du noir. Elle dort la lumière allumée tout le temps. Et ses yeux seront à tout jamais abîmés. Le nerf optique de ses yeux, donc, est abîmé. Elle souffre de strabisme et toute sa vie, elle aura des migraines. Toute sa vie, elle aura des opérations. Et elle ne se trouve pas à cette époque-là, d'ailleurs, et c'est lié à ce problème avec ses yeux. Elle se trouve laide. Ben, elle a des grosses lunettes. Oui. Et à l'époque, les lunettes pour les enfants, ce n'était pas très, très joli. D'ailleurs, on rit d'elle, mais elle décide qu'elle va enlever ses lunettes, d'abord. Et puis qu'elle va devenir la plus jolie, elle gagne plusieurs prix, elle devient même Miss Égypte en 54. Donc elle se trouve laide, mais elle finira par, et c'est ce qui va la lancer, par gagner des concours de beauté. De beauté, elle devient starlette dans des petits films de série B, et elle décide qu'elle monte à Paris, comme bien des gens à l'époque, pour faire carrière dans le cinéma. Rendue à Paris, elle se rend bien compte que personne ne l'attend dans le monde du cinéma. Mais elle est jolie, elle a du chien, elle a du panache, elle a quelque chose de très exotique dans la façon de parler, de se déplacer. Donc, peu à peu, c'est la chanson qui va l'accrocher. Et des rencontres, c'est toujours comme ça que ça se passe. Elle fera une apparition, en fait, une entrevue à l'émission de Bruno Cocatrix, qui va devenir le grand patron de l'Olympia. Il est à Europe 1 à ce moment-là. Mm-hmm. Et lors de cet enregistrement, elle rencontre Lucien Maurice, Dalida, qui sera déterminant pour elle. C'est le directeur d'Europe 1 et il tombe amoureux de cette fille et décide donc qu'il va la lancer. Il est également présent dans la salle un jeune Eddie Barclay, qui vient d'apporter le principe du micro-sillon. En France, ça n'existe pas jusque-là, le micro-sillon. Il va donc lui aussi faire quelque chose pour elle. Mais c'est vraiment Lucien Maurice qui décide de faire Dalida. Donc, elle s'appelle à l'époque Dalila. Elle va s'appeler Dalida avec un D. Et Lucien en fait sa poupée. Et c'est parti avec un premier grand succès qui la lance vraiment en 1957. Les yeux battus, la mine triste, les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux. Mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Bambino, c'est la chanson qui vraiment lance, mais vraiment, véritablement, la carrière de Dalida Marie-Christine. Plus que ça, c'est officiellement, dans l'histoire de la chanson, le premier disque d'or. On invente le disque d'or pour souligner le succès de Dalida. Et depuis, le disque d'or, ça existe un peu partout. Elle est reçue, la chanson est martelée. Partout, asséné. Tout le monde connaît et fredonne Bambino, Bambino. La radio. Partout. Elle fait beaucoup, beaucoup de télévision et tout et tout. Donc, la chanson est très, très populaire. Et bien sûr, il y a plein de gens qui détestent aussi cette chanson. À l'époque, il y a un grand journaliste qui dit « La première agression de Nasser, le président égyptien, contre la France, ce n'est pas le canal de Suez, c'est Dalida. » Imaginez. Ça y va fort. Mais il y a une machine derrière elle quand exactement. Même. La machine d'Europe 1, entre autres, mais l'invention, vous le disiez, Barclay, qui importe cette idée en France, cette idée du micro-sillon. Exactement. L'Olympia, qui est en train de devenir, on ne le sait pas à l'époque, un lieu mythique. Ouais. Et elle va faire l'Olympia vraiment plusieurs fois et toujours la remplir. 1967, autre date très, très importante pour elle, le Festival de San Remo, où elle et sa nouvelle flamme, Luigi Tenco, parce qu'elle ne chômera pas côté cœur, présentent donc l'un et l'autre leur propre version de Ciao, Amore, Ciao. In un giorno solo saltare cent'anni dai carri nei campi agli aerei nel cielo e sentirsi sole aver voglia di tornare da te. Ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao. Alors, ce qui s'annonçait à Sanremo comme un conte de fées, Marie-Christine Blais, mm-hmm. va tourner à la tragédie, mais littéralement, que se passe-t-il en 67 à Sanremo? Donc, c'est Tenco, Luigi Tenco, bel homme, il faut le dire, qui a écrit cette chanson, Ciao Amore, Ciao. Il est convaincu que ça va gagner à Sanremo et la chanson perd. Aucun des deux ne gagne. Du coup, Tenco, qui est un homme assez intense, monte à sa chambre et se tire une balle dans la tête. Paf! Et c'est... Après avoir engueulé le jury, d'ailleurs. Exactement. Et c'est Dalida qui va le trouver dans la chambre, qui va être complètement bouleversée. Dalida, qui arrive d'une période difficile de sa vie, parce qu'avant de rencontrer Luigi Tenco, elle a dû se débattre contre Lucien Maurice, donc son ancien compagnon, qui a tout fait pour qu'elle ne marche plus. Et elle a réussi à le vaincre et à faire elle-même l'Olympia par ses propres moyens. Ouais. Donc, elle est déjà un peu affaiblie. Ça va vraiment lui donner un coup. Elle-même va tenter de se suicider quelques semaines plus tard. Coup du sort après cela, elle va rencontrer un jeune étudiant, alors qu'elle a une trentaine d'années. Elle tombe enceinte, elle se fait avorter et l'avortement se passe très mal. Elle ne sera plus jamais capable d'avoir d'enfant. Bref, c'est une année où ça ne va pas bien. Ouais. La fin des années 60 est vraiment terrible pour elle et ça va changer complètement Dalida. Ça va devenir une autre femme qui va se mettre à étudier la philosophie, mm-hmm. le yoga. Qui cherche. Qui lit Freud, qui devient sainte Dalida. Ouais. Et arrivent les années 70 qui vont, sur le plan professionnel, être complètement délirantes. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Une femme qui peut répondre ça à Alain Delon qui lui dit « Mais enfin, je t'aime, ça n'arrête pas. » Et qui dit « Paroles, paroles. » Oui, je dis « Paroles, paroles. » Il y a plein de femmes qui n'auraient pas dit la même chose avec Alain Delon. Est-ce qu'il était là quand vous lui disiez ça? Oui, on a enregistré ensemble. Vous avez raison de dire ça parce que parfois, on enregistre séparément. Ça arrive. Oui. Mais là, on était ensemble. Je dois dire que c'était naître avec beaucoup de conscience professionnelle. Il est arrivé au studio, il connaissait tout le texte par cœur. La musique, tout. Il fallait rentrer et sortir. Formidable, Alain. Mm-hmm. Formidable. Et vous restiez froide et absolument invulnérable devant ah, ça. Ah, mais vous savez qu'elle est terrible, Lise. Non, mais cette déclaration d'Alain. Oh, mais voilà. Je savais pas comme ça. Paroles, paroles, paroles. Écoute-moi. Paroles, paroles, paroles. Je t'en prie. Paroles, paroles, paroles. Je te jure. Parole qui sort en 1973, qui est un immense succès à Marie-Christine Blais. Mm-hmm. Reprenons un petit peu cet extrait qu'on entendait, Lise Payette qui demandait, ou en fait qui faisait une allusion à propos d'une peut-être éventuelle relation entre Dalida et Alain Delon. Qu'en est-il finalement? Dans les années 60, ils ont effectivement eu une liaison torride, mais de courte durée. Notre amie Dalida, elle a plusieurs hommes. Ouais. Elle vit intensément et elle va au fil des années comme ça avoir des compagnons qui sont là des fois plus longtemps et des fois moins longtemps. On dit qu'elle a été avec François Mitterrand, elle a eu une relation avec François Mitterrand. Certains disent même, peut-être un peu avec Jacques Chirac, ah bon? Comme quoi la gauche et la droite, des fois, peuvent se rencontrer. Elle a vraiment une vie tumultueuse qui ne la satisfait pas, d'ailleurs, dans sa vie privée, manifestement. Mm-hmm. Ça ne va pas exactement comme elle veut. Mais elle accumule les succès. Mm-hmm. C'est la décennie d'Alida, les années 70. Ça va être vraiment... Il s'enchaîne à une vitesse folle. Les succès parole qu'on vient d'entendre, tout le monde connaît cette chanson-là, début 73, à la fin de la même année, ceci. Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. Il Il venait d'avoir 18 ans. Que dire de cette chanson? Sinon qu'elle est autobiographique. Ah bon? Puisque ce jeune étudiant, justement, qu'elle a rencontré et dont elle tombe enceinte, c'est en pensant cette histoire et en racontant cette histoire au parolier que naît la chanson « Il venait d'avoir 18 ans ». Donc, quand elle la chante, c'est vraiment quelque chose de très douloureux pour elle parce que c'est le deuil de sa vie de femme-mère ouais. qu'elle chante à toutes les fois. Et elle continue à faire des chansons à succès incroyables, toujours dans cette décennie. Parole, début 73, il venait d'avoir 18 ans, fin 73, début 74, d'abord sur scène. Ces années-là, donc, ont ceci de particulier. D'abord, toutes les chansons de Dalida, impossible de ne pas les fredonner en roulant les airs. Vous essayez, c'est pas possible. C'est des chansons très atypiques dans la façon dont elles sont faites. On parle dans la chanson, on chante, on a un chœur, on a différents tempos. Elle réussit à faire des choses incroyables. Elle fait aussi, dans cette décennie-là, une chanson comme Darlida Dada, qui est une chanson du répertoire grec, qui raconte la suicide d'une femme. Et c'est une chanson... Tu chantes avec elle dans la joie, et ça continue, jusqu'à ce qu'arrive le disco, et ça va continuer. Ben oui, parce que rien ne résiste à Dalida. J'attendais J'attendrai. C'est vrai, donc on est vraiment dans l'univers disco. C'est vrai, Marie-Christine, que rien ne lui résiste. Elle passe d'un style à l'autre. Ce qui est fascinant en même temps, c'est que c'est toujours Dalida. Exactement. Toujours. On reconnaît tout de suite. C'est sa signature, mais à sa manière, comme elle va le chanter un peu plus tard. Et elle va vraiment s'investir dans le disco. C'est-à-dire qu'elle fait des chorégraphies. Là, en voulez-vous du costume à paillettes? En voilà. Grosse percée aux États-Unis à ce moment-là. Oui, oui, elle va aller au Carnegie Hall. Elle fait vraiment beaucoup d'émissions télévisées aussi, beaucoup de spéciaux. C'est la grande époque des spéciaux avec des danseurs et des chorégraphies en veux-tu, en v'là. Il y en a plus qu'il n'en faut. Ses succès disco comme Monday, Tuesday enfin, vont continuer. Là. Et elle va être parmi les meilleurs vendeurs de disco en France. Toutes catégories confondues, là, plus que les Américains. Elle réussit vraiment à faire sa marque dans le style disco. Et on danse sur Dalida. C'est vraiment les grandes années. Les années 70, les années Dalida, ça va continuer au début des années 80, oui, tout à fait, ce succès, tout à fait. Cette reconnaissance. Mais les années 80, c'est le début. Cette zone d'ombre qu'elle porte en elle, elle est là depuis son enfance. Mais c'est vraiment le début du basculement, du désenchantement. Qu'est-ce qui se passe? C'est drôle quand on y pense. Il y a deux chansons québécoises qu'elle va faire, hein, de Dalida. Il y a « Le petit bonheur » de Félix Leclerc, sur lequel on danse, et oui, dans les années 70. Donc, chanson plutôt joyeuse, mais le bonheur s'en va. Et puis, elle va reprendre en 81 « À ma manière » de Diane Juster, qu'elle avait écrite pour Ginette Renaud, mais en modifiant un peu le texte. Donc, elle en fait sa propre chanson où elle raconte justement que ça commence à basculer. Ça va pas très, très bien. Et elle va comme ça, peu à peu, s'étioler, si je puis dire. Elle vient de mettre fin à une relation qui a duré très longtemps avec un homme qui s'appelle Richard Chanfrein, qui se fait passer pour un conte alchimiste du 18e siècle éternel, qui est revenu parmi nous, bon, et qui vit à ses crochets, littéralement. Elle a plusieurs de ses ex-compagnons et de ses amis qui se suicident. Elle a des ça, c'est affolant, quand ça, on c'est regarde complètement, autour d'elle. Il y en a plein, il y en a vraiment beaucoup. Je vous rappelle qu'elle est convaincue qu'elle tue les hommes qu'elle approche, à commencer par son père. Elle a des migraines de plus en plus. On revient encore là au problème qu'elle a oculaire au début de sa vie. Elle se fait opérer plusieurs fois, ça marche plus ou moins. Elle se sent vieillir. Elle a un nouveau compagnon. On raconte qu'un certain soir, comme ça, elle l'attend pour souper et puis il décommande. Il annule le rendez-vous et cette nuit-là, décide, ça va faire. Je ne rêve plus. La célèbre chanteuse Dalida est morte hier à Paris. C'est son habilleuse qui l'a trouvée sans vie aujourd'hui dans son appartement. Âgée de 54 ans, Dalida se serait suicidée au barbiturique. Déjà en 1967, elle avait tenté une première fois de mettre fin à ses jours. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Dès que j'ai su, première chose que j'ai dit que c'était obligé. Il y avait quelque chose de brisé chez cette femme depuis l'enfance, mais personne n'a jamais su qui c'était. Elle parlait de sa solitude. Assez peu, elle faisait semblant de rire. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade. Dalida met fin à ses jours, donc le 3 mai 1987, c'était obligé. Dit son ami Pascal Sevran au lendemain de sa mort, Marie-Christine Blais. On peut être dans la lumière très longtemps et on finit par se brûler. Et c'est ce qui est arrivé sans doute à Dalida. Après, justement, aussi une vie personnelle où les échecs, les douleurs se sont vraiment multipliés. Ça va pas mieux. Et elle va vieillir. Mmh. Elle a 54 ans. Elle ne croit pas qu'elle va être capable de continuer encore longtemps et que les gens vont la vouloir, vont la désirer. On a une époque aussi où vieillir, c'est encore vrai aujourd'hui, mais encore plus à l'époque, c'est dur pour une femme. Mm-hmm. Donc, elle décide de partir en quelque sorte dans une espèce de crescendo de gloire parce qu'elle a un projet de comédie musicale, elle a tourné dans Le Sixième Jour, un film dans lequel elle a vraiment rallié les critiques et le public. Vraiment, elle est sur une lancée. Oui. Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Elle se sent abandonnée, elle se sent vidée. Et son frère Orlando, qui est son frère cadet, qui est son directeur artistique depuis des années, lui-même va reconnaître des années plus tard qu'elle ne pouvait peut-être pas faire autrement parce que c'était trop, tout simplement. C'était toujours tellement intense qu'elle ne pouvait pas résister si longtemps. Ce qui reste pour nous, c'est la lumière. C'est ça qui est extraordinaire quand on y pense. Parce que écouter une chanson de Dalida aujourd'hui, c'est sourire, c'est danser, c'est chanter en roulant ses airs, c'est s'amuser. On peut se déguiser en Dalida. C'est quand même incroyable. On peut tout faire avec Dalida. Surtout depuis qu'elle n'est plus là. Merci beaucoup, Marie-Christine Blais. Merci beaucoup, Jacques. Marie-Christine, journaliste, amie de l'émission. Merci également à Mathieu Beauchamp, la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Michaël Tremblay, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Alexandre Bélanger. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Comme un rocher. Comme un péché, je suis accroché à toi.